raconte un peu. Ouais. Tout est en ordre. Moyenne. Vous vous rappelez sûrement qu'à la fin de notre dernière leçon, nous avons laissé un groupe de gens au bistrot. Avant de pouvoir payer et s'en aller, ils doivent apprendre les chiffres en luxembourgeois. Une tâche assez ardue et pas toujours évidente. Commençons donc en comptant de 0 à 12. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Encore une fois. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les chiffres de 13 à 19 se caractérisent par la syllabe « tsing », comme le 10 qui se rajoute aux chiffres « 3, 4, 5, etc. » Toutefois, comme vous le verrez, les chiffres changent un peu en cours de route. Pas de problème pour le 13 et le 14. Le 3, 3 devient 13 et le 4, 4 devient 14. Le 5, 9, change légèrement pour devenir 15. Le 6, 6 également. Il devient 16. Le 7, 7, raccourcit simplement sa voyelle et devient 17. Le 8, 8, se transforme en 18. Et le 9, 9, devient 19. Encore une fois, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Même phénomène pour les 20, 30, 40, etc. À la place du tsing qu'on a rajouté au groupe précédent, on rajoute tsch au suivant. À noter toutefois que pour le 30, nous rajoutons zsch à la place de tsch, ce qui nous donne 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Encore une fois, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Là aussi, vous aurez remarqué que les premières syllabes ont changé légèrement. Le 3, 3, est devenu 30, 30. Nous avons donc 3, 13, 30. Le 4 reste inchangé et nous avons 4, 4, 14, 14 et 40, 40. Le 5, 9 devient 50, 50. Nous avons donc 59, 15, 50. Le 6, 6 devient 60, 60. Ce qui nous donne 6, 60, 60. Le 7, 7 devient 70. La suite est donc 7, 70, 70. Le 8, 8 peut devenir 80 ou 80, ce qui nous donne 80 ou 80. Le 9, 9 devient 90. Nous avons donc 90. Reprenons ce que nous avons vu jusqu'ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 oder 80, 90. Pour les chiffres entre 20 et 30, 30 et 40, etc., le luxembourgeois a une logique bien à lui. Il commence par le dernier chiffre qu'il rajoute avec « et »,« an » au chiffre précédent. On dit donc « 1 et 20 »,« 2 et 20 » au lieu de « 21, 22, etc. » Donc, nous avons 21, 22, 23, ce qui donne 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et encore 31, 32, 33, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 31, 39, 40 et 41, 42, 43, ce qui donne 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Comme vous avez peut-être pu entendre, le « et » qui relie les deux chiffres peut être un simple « a » ou un « an », selon la fameuse règle du « n » dont nous avons déjà parlé et que nous verrons dans les détails dans une de nos prochaines leçons. Pour l'instant, retenez simplement qu'on dit « 21, 31, 41, 51, 61, 70, 81, 90. 100 devient 100 et 1000 devient 1000. Entre le 100 ou le 1000 et le chiffre suivant, il n'y a pas de E. An, on dit simplement 122, 122, 156, 156, 289, 289, 377, 377, etc. Pour terminer, revenons au bistrot où nos amis s'apprêtent à payer. Garçon, können wir bezahlen, wenn ich klift? Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Le luxembourgeois dit « Pouvons-nous payer ?» Wie viel möchte das zusammen? Combien ça fait ensemble ou combien ça fait en tout? Das für 125 Franken. Ça fait 125 francs. C'est pour 125 francs. Notez bien qu'en luxembourgeois, on dit franc et non franc. Heisin 200 francs. Voici 200 francs. Da kriegt ihr nach 75 francs zurück. Voilà. 75 francs de retour. Alors, vous recevez encore 75 francs. An dat Wort für heute. À la prochaine.